Chers amis, c'est beau de vous voir. Nous avons le thème de la paix ce week-end. Et j'ai déjà dit tout à l'heure que c'était un week-end de pratique de la paix. Un week-end où on va débattre de ce que c'est que la paix, de comment il faut la porter dans le monde, entre les gouvernements, tout ça. Même si évidemment ça fait partie de notre enjeu. La paix, c'est une qualité qui, à partir du moment où elle est réelle et où elle existe, où on est capable de la vivre, de l'offrir, bien sûr qu'elle va rayonner naturellement à grande échelle. Ce qui nous intéresse vraiment ce week-end, c'est justement cette fameuse question de comment la vivre profondément, de façon aussi durable que possible. On entend parler depuis très longtemps, on entend parler du produit national brut. Et depuis un peu moins longtemps, on entend parler du bonheur national brut. Quelqu'un a entendu parler de ça? Vous pouvez lever la main, ceux qui connaissent le bonheur national brut. Ah, magnifique. Donc, je pense qu'une partie très claire du bonheur national brut, c'est la paix nationale brute aussi. Et comment est-ce qu'on peut avoir la paix dans notre pays si on n'a pas la paix dans notre cœur? Si on n'a pas la paix dans la maison, au moins un petit peu chaque jour. Donc on va s'entraîner pendant quelques heures tous ensemble à goûter à cette paix qui est aussi quelque chose qui existe. Déjà, en fait, que c'est pas, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. C'est important d'avoir ça à l'esprit, que la paix, elle est pas, c'est pas le résultat d'un long travail et d'un long parcours, mais c'est une expérience, un potentiel qui existe déjà là en nous. Et je pense que chacun et chacune en a déjà une idée assez clair de comment est-ce que la paix se goûte. Donc ce matin, il y avait l'invitation d'être présent, de revenir dans le moment présent avec notre respiration, avec l'attention à notre respiration. Et l'attention à notre corps, l'attention à nos sensations dans le corps, et aussi une façon assez graduelle, à partir de la sensation dans le corps, on a aussi l'attention à ce qui se passe dans le mental. Et tout ça, ce sont des domaines où justement on peut faire cette expérience de la paix. Dans l'attention à notre inspiration et notre expiration, on se pousse pas. C'est pas quelque chose où on se fait violence pour être là avec notre respiration. Au contraire, c'est vraiment une façon très concrète et très immédiate et presque pas forcément très facile, mais quand même un peu facile. Si on amène notre attention que sur l'inspiration et sur l'expiration. Alors on fait un peu de place, on fait un peu de paix. Et quand on fait ça pendant un moment, on fait un peu plus de place, un peu plus de paix. Et pour moi, c'est vraiment l'opposé de se faire violence contre soi-même. C'est comme si je me prenais par la main et je me dis, allez, tu viens, on fait une petite pause, on fait une petite... on souffle un peu. Et on retourne à la source, en fait. Je crois que nous tous aussi, nous sommes très, très habitués à nous faire un peu violence. On a pris l'habitude de se pousser, en fait, se pousser à accomplir quelque chose. Même derrière cette impulsion d'accomplir, il peut y avoir l'intention de, que ce soit pour la paix, mais n'empêche qu'on se pousse. Même si c'est dans le désir d'apporter un certain réconfort, de prendre soin de quelque chose, de montrer qu'on se préoccupe des personnes qui nous sont chères. Il y a une habitude assez forte de se pousser vers l'avant et de courir et de se laisser déborder par le quotidien. Et c'est comme si c'était ça que ça voulait dire d'être adulte, qu'il fallait assurer, et il fallait faire beaucoup de choses. Assurer beaucoup de choses, faire beaucoup de choses, produire beaucoup de choses, même avoir beaucoup de choses et être beaucoup de choses aussi. Et dans cette sorte de désir, on est dans la course. Et ça, pour moi, c'est la première chose que j'identifie comme un obstacle à la paix immédiate, la paix qui est là, à la source déjà, présente. Et c'est pour ça que, quelque part, c'est assez extraordinaire d'être dans la simple attention à mon inspiration et mon expiration. Parce que quoi qu'il arrive, mon inspiration et mon expiration, elles me suivent, elles sont partout où je suis. Et elles sont aussi toujours nouvelles. Et donc, de leur donner l'espace, de leur donner mon attention, c'est comme une révolution et c'est un acte radical par rapport à mon habitude de courir et de vouloir accomplir et produire et faire plein de choses. Je suis très très inspirée par les arbres. Il y a des arbres vraiment très... très beau ici. Et par exemple, derrière vous, il y a des grands hêtres. Si vous voulez, vous pouvez tourner la tête et regarder par la fenêtre. D'ailleurs, c'est chouette qu'en français, cet arbre, il s'appelle le hêtre. Ça va bien avec hêtre. Et ce qui m'inspire particulièrement dans ces hêtres, c'est... Bon, évidemment, ils sont très, très forts et ils sont très vieux et ils ont vu, Ils ont vu plein de choses, beaucoup, ils ont beaucoup plus d'expérience de vie que moi. Mais aussi, ce qui m'épate, c'est que chaque année, ils ont la... Je ne sais pas si c'est leur joie ou leur désir simplement, mais ils sont toujours pleins de générosité et font toujours plein de feuilles. Et quand je dessine, moi je dessine pas bien, mais j'aime bien quand même dessiner des branches avec des feuilles. Et je vois que ça prend un certain temps et une certaine énergie de faire une branche et de mettre les feuilles qui vont sur chaque branche. Et j'en dessine pas beaucoup finalement. Et je me dis, ouais, un arbre tout seul, il produit des centaines et des milliers de feuilles. Et c'est pas parce qu'on lui a demandé de le faire, c'est pas parce qu'on le paye pour le faire. C'est parce que c'est sa nature. C'est son énergie vitale, quoi. C'est sa façon d'être au monde. Et c'est dans ses gènes, bien sûr. Donc il ne fait pas vraiment un effort, mais n'empêche que d'être, c'est comme ça qu'il est. Il fait des feuilles. Et... je crois que pour moi, peut-être que manifester la paix à l'intérieur de moi, c'est un peu comme ça que j'ai envie de le faire. C'est-à-dire que ça prend beaucoup de temps à laisser monter cette sève. Mais c'est quand même quelque part un processus imperturbable et vraiment dans l'ordre de qui je suis. Et peut-être c'est pas des feuilles, mais là ça pourrait être justement ma respiration, une inspiration, une expiration. Imperturbablement, c'est quelque chose que je fais chaque jour, chaque année. Et donc je peux y mettre de l'attention et du soin. Et voir ça aussi comme mon offrande pour le monde. Donc c'est dans ma nature d'être, de respirer comme ça, d'une façon paisible, d'une façon régulière, d'une façon naturelle. Et aussi, en plus de respirer, il y a toutes les autres choses, les autres fonctions naturelles de mon corps. Et puis les fonctions aussi naturelles de mon esprit. Et ça ne relève pas d'un effort ou de me pousser justement à remplir ces fonctions de qui je suis. Et ça relève de la source de la vie qui s'écoule. Donc ma respiration, peut-être mon sourire, mon regard. Je n'ai pas à y travailler, mais je peux y mettre ma capacité, ma faculté innée d'être en paix avec les choses telles qu'elles sont, avec le monde tel qu'il est. Donc je vous propose qu'on écoute un son de la cloche et qu'on soit avec notre respiration comme ça dans cette fonction naturelle et d'en profiter, de la goûter, et aussi éventuellement notre regard et notre sourire. Thank you. En même temps que je respire, là, je fais la réflexion que j'ai pas envie de créer non plus de malentendus par rapport à la vie qu'on mène. Je tiens beaucoup à dire que j'aimerais que tout le stress et le rush de la vie et l'habitude de se laisser déborder en tant qu'adulte, j'aimerais que ça s'arrête, au moins que ça se calme. Mais je ne voudrais pas qu'on croie que je veux dire qu'il faut qu'on arrête tous de travailler et de mener nos vies, de tenir nos responsabilités. J'essaie simplement de dire que c'est possible de réaliser notre travail, de tenir nos responsabilités avec calme, avec sérénité, peut-être en ralentissant un petit peu quand même. Et hier, il y avait aussi une question dans la soirée avec la Sangha de Liège, où j'ai aussi partagé que je trouve qu'il y a vraiment besoin de revenir à l'essentiel, de ce dont on croit avoir besoin pour mener une bonne vie, pour être bien, pour être dans le confort. Et je parlais aussi de mon... que je suis de plus en plus choquée quand je rentre dans les magasins, de voir qu'il y a autant de produits, qu'il y a autant de matières, autant de ressources. Parce que quand je regarde autour de moi, bien sûr que j'ai conscience des gens qui sont dans la misère et qui n'ont pas suffisamment pour vivre au quotidien. Mais la majorité de nous, dans les pays en Occident en particulier, j'ai l'impression qu'on a déjà tout ce qu'il faut. On a un toit, on a des moyens de se déplacer, etc. Et on a aussi des choses qui remplissent notre maison aussi pour rendre la vie plus facile, des machines à laver, des cafetières électriques, des frigos, etc. Des ordinateurs. Et du coup, quand je rentre dans les magasins et que je vois qu'il y a encore plein de ces choses-là, je me dis, mais c'est pour qui ? C'est pour quoi ? Et je sais bien la réponse, je sais, c'est parce que aussi dans nos maisons, les objets, ils ont l'obsolescence programmée, ils sont fabriqués pour pouvoir être cassés assez rapidement, pour pouvoir être en panne assez au bout d'un nombre d'années assez réduit. Donc il faut bien qu'on puisse continuer et qu'on ait des choses nouvelles. Et c'est inquiétant tout ça. Parce que quand je regarde l'enchaînement justement de ces choses, de ramener à la maison quelque chose qui va me servir parce que l'ancien est en panne. Et pour cet objet nouveau, mettons ce nouvel ordinateur. J'imagine pas très bien, mais j'imagine un petit peu la quantité de produits, de matières premières, d'exploitation des minerais, d'exploitation de la main-d'œuvre dans les usines, etc., que ça a demandé. Et donc, il y a toujours une exploitation des ressources à la fois matérielles et humaines. Et tout ça, ça sort de la planète. Et voilà, on sait que la planète, c'est une magnifique balle, mais elle n'est pas infinie, elle n'est pas élastique, et les ressources s'épuisent et les sites naturels s'abîment. Et tout ça, ça part de moi-même, ça part de du fait que j'ai besoin de quelque chose, ou que j'imagine que j'ai besoin de plus, ou que même je n'ai pas conscience et je désire, je suis dans l'avidité. Donc il y a un lien très très intime, vraiment, entre comment je vis et comment le monde autour de moi il évolue. Et ça, on en a tous conscience, et je sais. Surtout vous qui êtes des personnes sur un chemin spirituel, je peux bien comprendre que vous avez une grande conscience de tout ça, et je vous en remercie beaucoup. Et aussi, je vous remercie parce que je crois que plus on a conscience et plus aussi on transmet la conscience aux générations futures, voire aux générations avant nous, à nos parents aussi qui sont sûrement pour la plupart encore en vie et qui aussi on partage notre aspiration pour prendre soin du monde. Donc on va revenir à nous-mêmes. Revenir à nous, c'est une expression qu'on utilise beaucoup dans notre pratique. Je reviens à moi, je rapporte mon attention sur mon inspiration et mon expiration. Je prends conscience de mon corps tout entier dans cette position assise. Je fais état des différentes parties du corps et je regarde si je peux identifier qu'il y a certaines parties qui sont tendues ou qui sont dans la douleur. Et revenir à nous comme ça, ça permet aussi de sentir qu'on a un certain pouvoir sur nous-mêmes, qu'on peut prendre soin de nous-mêmes, que c'est pas juste l'extérieur qui doit toujours nous répondre à nos soifs, mais qu'on a les ressources vraiment dans le corps et dans le mental, on a vraiment les ressources pour le bien-être dans le moment présent et tous les jours. Il y a une analyse qui vient du bouddhisme qui nous permet de comprendre et de comprendre comment est-ce que je peux être dans ce soin à moi-même et générer cette paix concrètement dans le moment présent, d'instant en instant, de jour en jour. C'est cette compréhension de qui je suis comme cinq agrégats. Et même, en fait, aujourd'hui, je vais parler même de sept agrégats. Je triche parce que dans les textes, dans les écritures, il n'y en a que cinq. Okay. Donc, si je dis qu'il y en a sept, ça vient pas vraiment du Bouddha. Mais vous me pardonnerez, d'accord ? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agrégat ? C'est simplement, c'est un mot un peu compliqué. On peut utiliser d'autres mots. On donne souvent l'image de la rivière. Parce qu'une rivière, c'est un agrégat de gouttes d'eau, non ? Qui coule. Et c'est quelque chose qui est toujours en mouvement, en flux, et on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. D'abord parce que la rivière, elle change, mais aussi parce que soi-même, on change. Donc, le premier agrégat, c'est le corps. Et on peut mettre de la paix dans notre corps, parce que on a la chance d'avoir un corps qui vit. Même si la respiration n'est pas toujours fluide, elle n'est pas toujours facile, mais elle est toujours là. Donc on peut être avec elle et on peut la sentir et on peut la goûter, on peut l'apprécier, l'observer. Et puis il y a toutes les autres fonctions de notre corps qui vit, avec lesquelles on peut être aussi. Et on peut s'asseoir sur le bord de cette rivière, sur la berge, et la regarder couler, voir comment notre corps évolue d'instant en instant, quelles sont les sensations qui sont là. Et c'est ça le deuxième agrégat, c'est les sensations. C'est aussi un flux incessant sur le bord duquel on peut aussi s'asseoir et observer. On n'est pas obligé d'être noyé dans une sensation de tension, de douleur. On peut simplement s'asseoir au bord du fleuve et puis voir que comme c'est vivant, comme c'est changeant et impermanent, ben ça, c'est là, ça reste un moment et puis ça coule, ça s'atténue, ça passe. Et ça peut être un exercice, si vous voulez, pendant le week-end ou plus tard, de nommer ces sensations, d'être en contact avec elles. Parce que souvent, justement, quand on est plutôt en mode débordé et en mode productiviste, les sensations du corps, on les sacrifie un peu, on doit un peu... un peu les oublier, un peu les mettre de côté pour pouvoir continuer notre train-train. Donc si vous voulez prendre un temps pour plus les identifier, les ressentir, les nommer et voir comment une sensation évolue, et comment apporter de la paix dans nos sensations. Et ça, pour les sensations du corps, on aura une belle pratique aujourd'hui, qui est la relaxation profonde. Donc, c'est une méditation sur le corps dans la position allongée. Et j'espère que tout le monde va y participer, parce que c'est un peu... ça devrait être un peu une nourriture... c'est un peu comme une vitamine, quoi. Le corps et l'esprit ont du mal à fonctionner bien si on n'a pas cette relaxation. Donc ça passe par la pleine conscience de toutes les parties du corps et l'accueil de toutes les sensations qui sont là. Et puis il y a un troisième agrégat, qui est celui des perceptions. Les perceptions, ça veut dire... quel est mon angle de vue du monde ? Par exemple, là, moi, je suis assise ici, donc j'ai cet angle de vue-là, qui est ce qu'il est. Mais je ne peux pas dire que c'est toute la réalité. En fait, c'est un minuscule... c'est juste un minuscule point de vue. C'est juste un angle très limité, une idée très limitée, une vue très limitée que j'ai du monde, une vision très limitée. Et la personne qui est assise sur la chaise là-bas, elle a un angle de vue qui est un autre et qui peut compléter un peu le mien et qui est aussi un angle très subjectif. Et en fait, c'est vrai que dans la vie quotidienne, c'est rare que je m'arrête pour me dire « Ah tiens, en fait, ma façon de voir le monde, c'est juste une minuscule perception et c'est juste quelque chose d'archi-subjectif et archi-filtré. » Et ça vient pas seulement de ce que je vois par mes yeux, mais ça vient aussi de 10 milliards d'autres facteurs qui filtrent ma perception du monde. Donc quand j'ai une perception d'une personne, par exemple, de temps en temps, je me dis, je ne sais pas du tout, en fait. C'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans, peut-être. C'est peut-être quelqu'un que je connais depuis que je suis née, ma propre mère. Et je prends ça pour acquis que c'est ma mère et que je sais qui c'est ma mère. Alors qu'en fait, encore une fois, je suis complètement conditionnée par là où je me tiens et ce que je vois et ce que j'ai entendu et ce qu'on m'a appris, etc. Et ce que ma mère a bien voulu me montrer. Donc nos perceptions, c'est aussi un flux incessant. Et c'est bien, pour moi, c'est bien de temps en temps me dire, est-ce que je peux remettre en question cette vision du monde que j'ai, un petit peu, parce que cette vision du monde d'aujourd'hui que j'ai, est-ce qu'elle m'aide à être en paix avec le monde? Est-ce qu'elle me fait sentir que le monde est un endroit hostile, un endroit dangereux, qui me fait avoir peur pour l'avenir? Est-ce que si je suis plus dans cette habitude de percevoir là, c'est possible d'explorer une façon de percevoir un peu différente, de me mettre dans les chaussures de l'autre personne, de me mettre dans les chaussures de Trump, de me mettre dans les chaussures de Macron, de me mettre dans les chaussures d'un enfant qui travaille dans une usine en Chine, de me mettre dans la peau des autres êtres qui ne sont pas humains, pour percevoir le monde d'une façon plus complète ou plus juste ou plus ouverte. Et de temps en temps aussi, ça peut être intéressant de faire cet exercice de m'asseoir avec un morceau de papier et de dire c'est quoi ma perception du monde ? Parce qu'elle est tellement évidente, en fait. J'ai des lunettes tellement épaisses que je ne sais même plus que j'ai des lunettes. C'est un peu comme dans l'Évangile, quand Jésus nous dit qu'on a une poutre dans l'œil et qu'on s'en rend même pas compte. Parce que ça fait tellement longtemps qu'elle est là. Dessiner le monde qu'on perçoit et puis ouvrir la porte pour un nouvel angle de vue et aussi être à l'écoute des perceptions des autres et pas penser systématiquement quand quelqu'un me présente un point de vue qui correspond pas, qui rentre pas dans ma boîte, dans mon filtre à moi, pas penser mais c'est n'importe quoi ce type. Ensuite, il y a le quatrième agrégat qui s'appelle les formations mentales. Donc, les formations mentales dans le bouddhisme, ça veut dire les états du mental. Donc, il y en a plein, des états de notre mental. Et ça peut être bien aussi de s'asseoir sur la berge de cette rivière-là et de les connaître. D'abord de savoir que notre mental, il passe par différents états. Il y a des moments où on est concentré, il y a des moments où on est confus, il y a des moments où on est triste, il y a des moments où on est joyeux, des moments où on est paisible, des moments où on est énervé. Et de savoir, au long de la journée, j'ai eu quoi comme états mentaux qui ont dû certainement affecter ma façon de voir, mes perceptions, mes sensations corporelles, etc. Et si, par exemple, la journée qui vient de s'écouler, je me rends compte que dans l'ensemble, j'étais plutôt énervée, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je ne suis pas obligée que ça continue encore pendant 24 heures demain. Donc j'ai le choix avec mes formations mentales. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On a le choix d'inviter en nous la graine de l'ouverture d'esprit, la graine de la joie, la graine de la bienveillance. On a plein de façons de faire ça et je crois que chacun a sa créativité aussi pour faire surgir un état du mental qui soit nourrissant, qui soit bon à ressentir. Il y a plein de mouvements maintenant de la bienveillance, de la gentillesse. Les gens, il y a même des jeux, des espèces de jeux de rôle ou des... Enfin, de poser des actes de bienveillance envers nos proches ou envers des inconnus et presque de totaliser un score par rapport aux actes de bienveillance qu'on a pu poser et qu'on a pu vraiment donner avec le cœur. Pas par politesse forcée, mais vraiment parce que ça nous est du bien. Choisir comme ça les... Choisir les états mentaux et aussi gérer ce qu'on n'arrive pas à choisir. Parce que des fois, on ne choisit pas d'être énervé, bien sûr. En général, on ne choisit pas. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas choisi d'être de mauvaise humeur pendant toute la matinée que je n'ai pas la possibilité de gérer ça au moment où je me dis « Bon, maintenant, j'ai plus envie de ça. Maintenant, il me reste la moitié de la journée encore à vivre. J'aimerais changer de disque. » Alors, comment on gère les états du mental ? S'il y a des pensées... très répétitives, qui font que je reste de mauvaise humeur. C'est toujours la même histoire, la même conversation avec un collègue désagréable qui continue de tourner dans ma tête alors que le collègue il est déjà parti depuis 2 heures. Ça, c'est quelque chose sur quoi je peux avoir une certaine prise. Je peux dire, bon, ben, là, il est parti, je ne suis plus en train de parler avec lui, donc je n'ai pas besoin de parler avec moi-même encore de ça. Je vais focaliser mon attention et puis revenir, comme on fait de revenir plein de fois à notre respiration, de revenir plein de fois aux sensations du corps. Et ben plein de fois, quand je vois que cette histoire, ce film à l'intérieur, il recommence, la boucle, elle recommence, hop, je reviens et je me pose sur ce qui se passe ici et maintenant. Ce que je suis en train de faire, quelle est la tâche que je suis en train de faire. Et si je suis en train de faire une tâche, par exemple, physique, je vais vraiment juste m'appliquer avec les gestes, passer le balai, laver la vitre, ranger une pile de papier, ou quand je tape à l'ordinateur, aussi la sensation de taper sur le clavier. Que mon esprit soit là avec ce qui se passe maintenant plutôt que dans cette boucle un peu infernale. Je vous propose qu'on écoute un son de la cloche. Je peux vous donner un exercice un petit peu difficile. C'est que quand on est dans cette situation, là, cette fameuse situation d'avoir un échange un peu négatif, un peu lourd, un peu explosif avec quelqu'un, si en plus c'est quelque chose qui est peut-être là, c'est pas la première fois, peut-être, ça nous arrive régulièrement. Alors moi je sais que j'ai l'habitude de faire la tronche, de faire la tête, d'avoir un visage très fermé quand des choses comme ça arrivent. La dernière chose à faire quand si vous me voyez dans cet état, c'est de venir me dire mais respire, parce que je sais très bien que c'est ce que je dois faire. Moi, l'entraînement que j'ai un peu choisi de suivre et qui est difficile, comme j'ai le visage pas bien, c'est d'être dans une pièce toute seule et où il y a un miroir, et d'aller me regarder dans le miroir et de me sourire. Et en fait, j'ai pas envie de me sourire. J'ai même pas envie de me regarder dans le miroir. Mais des fois, en fait, sans miroir, ça marche aussi. C'est-à-dire, je peux juste m'asseoir quelque part et éventuellement fermer les yeux. Et je sais très bien que mon visage est tendu et fermé. Et donc, petit à petit, je tire mes lèvres comme ça. Pas avec les mains, mais je laisse... Se former le sourire, c'est une gymnastique en fait, c'est le yoga du sourire. Et je cherche pas à sourire pour sentir que je suis heureuse, mais je cherche à sourire pour sourire. Donc je laisse les lèvres petit à petit tirer vers les oreilles le plus possible, et des fois ça arrive vraiment jusque là et c'est bizarre, ça tire vraiment les joues et tout. Et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est l'exercice de la détente du visage. Et c'est cette magie d'utiliser notre corps, et là, c'est le visage comme partie du corps, pour influencer l'esprit. Parce que c'est souvent l'esprit le boss dans la vie. C'est souvent l'esprit, l'état de l'esprit, qui fait que le corps se met aussi dans un état parallèle. Si je suis dans un conflit, mon corps va être plus tendu, par exemple. Mais la réalité des choses, scientifiquement même, c'est que quand on prend soin de notre corps, si on guide le corps à se détendre ou à sourire ou à être dans un mouvement joyeux, comme la danse ou un mouvement paisible comme la marche méditative, et ben ça se reflète aussi sur notre état du mental. Donc, ce qui m'amène du coup à en parler un petit peu peut-être de la marche méditative. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait la marche méditative. Ok. Merci. Donc, on va avoir l'occasion de la pratiquer cet après-midi. Et je vais vous montrer un petit peu comment faire. On va tous être un peu obligés de faire abstraction des autres personnes, au moins pour quelques instants, quand on fera la marche méditative tout à l'heure, pour se mettre dans la peau d'un bébé qui apprend à marcher de nouveau, enfin qui apprend à marcher tout court. Et du coup, on est obligé de faire attention à notre équilibre. On est obligé de faire attention à comment les pieds se mettent l'un devant l'autre. Et ça, c'est juste pour le début, pour que la marche soit quelque chose de tout neuf. Parce que comme chaque respiration qu'on fait, c'est quelque chose à chaque fois de tout neuf. On ne peut jamais répéter une respiration. Mais notre marche aussi. On a tellement l'habitude que ce soit automatique, la marche, et presque que ça ne serve à rien sinon de nous amener là où on est censé aller. Et là, ça va être marcher pour voir toute... que toute l'utilité de la marche, c'est simplement que notre corps soit là, en train de se déplacer, en train d'être vivant, et de ressentir les sensations de ce mouvement-là. Donc, bien sûr, comme la marche, ça implique principalement nos pieds et nos jambes, notre bassin aussi, c'est bien d'être dans les sensations de cette partie du corps-là, de la sensation dans les plantes de pied, la plante de pied qui touche le sol, seulement ma plante de pied droit qui touche, je sens, et seulement je sens la plante du pied gauche. Et on peut faire ça quelques minutes. Et ensuite, on laisse cette pleine conscience se propager aussi dans, par exemple, dans toute la jambe droite, avec le genou droit. Je sens tout ce mouvement-là, l'appui, etc. Je sens juste, je n'analyse pas. Et je sens toute ma jambe gauche. Donc on peut s'aider de mots pour éviter que le mental se projette ailleurs, en disant par exemple la terre, mer, terre, mer, ou bien chez moi. Arriver chez moi, arriver. Mais faire attention que ça reste pas juste une boîte sonore qui répète quelque chose dans notre tête, que ce soit une expérience en fait. Quand je dis chez moi, ça veut dire ah, je me sens chez moi dans ce pas-là. Je me sens bien, je pose mes bagages et j'arrive. Et Et puis petit à petit, en fait, on peut non seulement bien sentir la marche dans les pieds, dans les jambes, le contact avec le jardin, la terre, mais prendre conscience et sentir aussi tout le reste de notre corps, de notre être. Donc il y a une petite image donnée par une sœur. Au début, c'est comme si nos pieds ils étaient le centre de la pleine conscience et qu'il y a une espèce de... comme une énergie autour des pieds ou une lumière autour de nos pieds qui fait qu'on est vraiment là dans notre pas. Et puis petit à petit, cette espèce de lumière ou d'énergie de la pleine conscience qui était juste dans le contact des pieds, elle vient nourrir les jambes. On peut la voir rayonner plus dans nous, dans nos jambes. Et puis petit à petit, elle monte encore plus et on sent vraiment tout notre corps. Et on peut aussi, si on est facilement distrait, on peut aussi se poser un défi, se mettre au défi d'harmoniser le nombre de pas avec la respiration. Donc, par exemple, si j'ai une respiration qui est moyennement longue, je vais avoir le temps de faire, mettons, 3 pas en inspirant, 3 pas en expirant. Et peut-être je garde ce rythme-là un certain temps, et au bout d'un moment, je change de rythme. Peut-être que ça va être plus long ou plus court. Mais c'est pas un exercice qu'on fait pour ajuster la longueur de la respiration. C'est juste une façon d'être attentif, à la fois au fait de respirer, au fait de marcher, et que ce soit agréable de faire les deux ensemble. En vérité, je trouve que la respiration, elle est très importante dans la marche méditative, pour la simple raison qu'on est à l'extérieur, on est dans un environnement avec la végétation, et on peut très bien faire la marche méditative à l'intérieur. En fait, l'idéal, c'est qu'à chaque fois qu'on marche d'un endroit à l'autre, on puisse avoir conscience de nos pas, vraiment ressentir notre corps qui marche. Mais c'est un privilège de pouvoir faire une marche méditative avec la communauté dans un jardin avec des arbres et des fleurs, etc. Et respirer ça, absorber cette nature. C'est quelque chose dont on a un besoin vital, en fait. Bien sûr, on ne peut pas respirer s'il n'y a pas de végétation. Donc quand on est placé en contact proche avec de la verdure... c'est comme si on se faisait cadeau des meilleures conditions pour respirer qui puissent être. Et dans notre vie moderne, on a assez peu, ou on a de moins en moins des temps pour ça, pour respirer à la nature. Donc, si ça peut être une chose, peut-être à changer un petit peu à l'issue d'une retraite, c'est de s'offrir ça, c'est de de réétablir, réinstaurer dans notre dans nos habitudes des moments où on va juste être dans la nature. Pas pour on peut y faire des choses dans la nature, mais on peut juste y être, en tout cas être en contact avec avec des arbres et de l'air frais, de l'eau. Je sais pas si ça fait partie de vos habitudes déjà. J'espère que oui, un petit peu. Mais je pense qu'on n'a jamais trop de ça. Et c'est aussi tellement inscrit dans notre corps, puisque on est nous-mêmes un morceau de nature. Des fois, quand je porte cette longue robe, je me dis, mais elle est où mon... elle est où, moi, ma nature sauvage? Donc... Mais je me souviens assez régulièrement quand même que je suis encore un animal et j'ai encore ces besoins essentiels d'être à l'extérieur, de voir d'autres humains, de voir d'autres animaux, de voir des arbres. Et ça, pour moi, ça fait vraiment aussi partie intégrante de la paix. On peut boire une tasse de thé et prendre notre repas de façon aussi à ressentir la paix. Donc on a du temps. La raison pour laquelle il y a des tables à thé dans toute retraite, parce que en tant que communauté, on trouve ça chaleureux et convivial et ça nous permet de nous arrêter, c'est prendre un thé, c'est faire une pause. On prend pas le thé en même temps que on se dépêche d'aller accomplir des tâches. On peut s'asseoir pour prendre la tasse de thé. On peut la prendre tout seul ou on peut la prendre avec un ami. Et on est là aussi, dans le moment présent avec le thé. Donc ne buvez pas le futur, ne buvez pas le débordement, les responsabilités, l'angoisse. Juste buvez le thé. Ressentez l'eau qui est venue des sources, qui est notre lien direct, un de nos liens directs avec la nature, qui fait que ce thé que je suis en train de boire, je suis en train de devenir ça, ou il est en train de devenir moi. Donc je suis vraiment la nature. Et aussi le moment du repas, évidemment, c'est un moment de pratique de la paix. Dans la tradition chrétienne, c'est un moment assez sacré. Il y a l'habitude de recevoir l'Eucharistie. Nous, dans le bouddhisme, on ne fait pas l'Eucharistie, mais par contre, chaque moment de repas partagé, c'est un peu une communion, parce que c'est la conscience, la contemplation des éléments qui se retrouvent dans notre assiette. Prendre le temps d'absorber, donc on mâche longtemps, on liquéfie la nourriture dans notre bouche avant de l'avaler. On goûte et on profite de chaque aliment. On peut identifier, parce que des fois, ce que j'ai dans la bouche, je ne sais même pas ce que c'est. Je mâche de façon automatique et je ne sais même pas exactement ce que j'ai dans la bouche. Je ne goûte pas tout à fait. Je pense à autre chose. Mais ça, c'est une habitude très forte. Quelqu'un d'autre a cette habitude ? Donc, à table, on va manger plus lentement que d'ordinaire. En fait, on va tout faire un petit peu plus lentement que d'ordinaire. Mais on va peut-être prendre une cuillère ou une fourchette de nourriture et la mettre dans la bouche. Et ensuite, on pose l'ustensile. C'est-à-dire, on n'est pas en train de préparer la bouchée suivante alors qu'on en a encore avec une bouchée là. Parce que si on doit avoir l'attention sur deux bouchées à la fois, c'est un peu compliqué. Donc, juste, je prends une cuillerée et je la mâche bien. Éventuellement, je peux fermer les yeux de temps en temps pour sentir ces goûts-là. Et puis, je peux aussi regarder les personnes avec qui je partage ce cadeau de nourriture. Et puis, de façon un peu spontanée ou naturelle, sans chercher à réfléchir trop, mais on peut s'autoriser à reconnaître d'où est venue la nourriture et le temps que ça a pris pour qu'elle arrive jusqu'ici dans notre assiette. C'est pas juste le temps du transport ou le temps de la faire pousser dans le champ, mais c'est aussi le temps un peu immémorial qui a créé les semences, qui a créé la photosynthèse et des choses comme ça. Donc on est vraiment une partie de l'éternité au moment du repas. Et puis aussi on écoute notre corps pendant le repas. Ça c'est très important parce que c'est notre corps qui sait combien c'est bien de prendre. Des fois on s'alimente pas bien, on mange pas tout à fait assez ou on mange un peu trop. Et donc, si je sais que mon estomac a la réponse plutôt que ma bouche et mes papilles de ce que je dois prendre, ça peut être bien. Dans l'exercice de la pleine conscience de la marche, on commence par sentir les pieds et puis les jambes. Et dans l'exercice de la pleine conscience du repas, on peut sentir dans la bouche les goûts avec la langue ou bien la main qui fait le geste d'apporter la cuillère juste à la bouche. Mais aussi, on peut continuer à avoir la pleine conscience ici, jusqu'à l'estomac. Et ça, c'est souvent moins évident, en fait, parce qu'on est plus concentré sur ce qu'on voit ou ce qu'on goûte que la sensation à l'intérieur d'avaler et de digérer. Donc tout ça, c'est plein de pistes, ça fait beaucoup de choses à faire pour seulement un week-end, mais voilà, on ouvre des possibilités et puis on commence un petit peu à s'entraîner ensemble ce week-end et ensuite on a toute la vie pour continuer l'entraînement. Donc là, il faut que je parle du cinquième agrégat, parce que j'ai dit que j'en avais sept. Mais on avance. On est resté un moment bloqué sur le quatrième. Le cinquième agrégat, c'est quoi déjà ? C'est la conscience. La conscience, on peut la comprendre comme notre conscience profonde. C'est là où sont emmagasinées toutes les expériences de la vie, et c'est de là en fait que surgissent aussi les états mentaux. Donc c'est aussi quelque chose qui est sans cesse en train de couler, de se modifier, d'évoluer. Et en nous, il y a toutes ces mémoires en fait de toute notre vie, tout ce qu'on a vécu. C'est en mémoire non seulement dans le cerveau, dans la conscience, dans l'inconscient, mais c'est même en mémoire dans le corps. Et en fait, même de plus en plus, on peut comprendre la conscience comme quelque chose d'encore plus vaste, puisque la mémoire, en fait, c'est la mémoire du monde, quelque part. Et même les planètes, les étoiles, toutes les espèces vivantes, tout ça, c'est la conscience, c'est l'intelligence de la vie, on pourrait appeler ça comme ça. Donc, ça nous a, ça a fait appel à notre faculté de regarder en profondeur pour justement savoir comment est-ce que je... Comment je peux établir la paix dans ma conscience profonde. Par exemple, moi, la façon la plus frappante où je vois ma conscience profonde, c'est quand j'ai des rêves dont je me souviens en me réveillant, qui me montrent des images très fortes ou qui ramènent des mémoires très anciennes. Ça me donne un accès à ma conscience profonde et du coup, par le rêve, j'essaye de voir quelle est la façon d'apporter de la paix à ça. Si j'ai une mémoire, par exemple, de violence, une violence vécue dans l'enfance ou une violence connue par mes ancêtres, la guerre, tout ça, qui surgit, comment est-ce que je peux apporter de la paix à ça ? Ça, c'est quelque chose qu'on peut explorer. Moi, ce qui m'aide, c'est évidemment de faire la relaxation avant d'aller dormir. Parce que même si j'ai pas, quand je fais la relaxation de tout mon corps, j'ai pas accès à toutes mes mémoires ou je peux pas faire un travail de chirurgien pour réparer toutes les blessures du passé. Mais par contre, parce que le corps justement a emmagasiné plein de choses, plein d'événements, si je suis capable de lui apporter la relaxation, la guérison se passe de façon invisible, mais de façon réelle. On écoute la cloche de l'église. Par rapport à la conscience et la mémoire dans le corps et la mémoire du monde. Pour moi, c'est très important, de temps en temps, par exemple, avec le son de la cloche, quand je m'arrête, quand j'arrête ma parole, mon mouvement, c'est très important de contacter le fait que mon corps fait de son mieux pour traverser tout ce qu'il traverse, pour guérir toutes les blessures qui sont là emmagasinées. Et mon mental aussi fait de son mieux. Donc j'ai juste à donner l'espace, en fait, pour ce processus naturel. On sait très bien que si on s'entaille un doigt, on n'a pas à faire plein de choses. Il faut juste laisser propre et attendre. Parce que la capacité de la guérison, elle est là dans nos gènes. On sait faire, en fait. Le corps sait faire et il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de travail. Après, il y a aussi des blessures et des maladies où on doit faire une intervention. Mais ce que je veux dire, c'est que la capacité de guérison, elle existe vraiment. Ça, c'est quelque chose qu'on sait. Et donc, pour cette conscience profonde et les violences et les conflits et les guerres, ou le manque de paix en général, qui existent en moi et autour de moi. On peut aussi parler de faire confiance au fait que tout ça fait son mieux. Et c'est en cours, c'est vraiment en cours déjà. Donc j'ai pas à pousser plus, j'ai pas à forcer plus. Peut-être que si je force, justement, je me fatigue à réparer les choses, à régler les conflits, à convaincre quelqu'un de changer d'attitude, etc., etc. je m'essouffle en fait, et le résultat va être moins juste peut-être. Ça, c'est quelque chose que de temps en temps, c'est bon que de me rappeler. C'est-à-dire que je continue à générer une intention, mais je viens toujours aussi vérifier que c'est de la paix qui me fait avancer, qui me fait faire ce que je fais. Et que c'est pas l'énervement latent. En d'autres mots, des fois, si je vois deux enfants qui se disputent, par exemple, et j'ai envie de leur dire, mais non, ne vous disputez pas, vous pouvez vous parler autrement, réconciliez-vous, etc. Il y a deux attitudes qui vont avoir un résultat complètement différent. Même si j'ai le même mouvement d'aller vers ces deux enfants et de leur dire, arrêtez votre dispute. Mais si en moi je suis énervée parce que je vois les enfants qui se disputent et que je n'arrive pas à gérer l'émotion que ça me provoque, donc je suis énervée et je vais vers eux pour leur dire mais arrêtez. En fait, tout ce que je vais faire, c'est d'en rajouter une couche. Peut-être qu'ils vont arrêter dans la forme, ils vont arrêter de se crier dessus, de se taper dessus, mais ils seront pas apaisés pour autant. Alors que si je vois ces enfants en train de se bagarrer et que je reste avec la paix qui est en moi, que j'arrive à gérer le sentiment désagréable que ça me fait d'avoir deux enfants qui sont pas bien ensemble, que je vais vers ces enfants en leur disant bon, est-ce qu'on peut arrêter sa dispute? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de pouce pour la réconciliation, etc. Ça va être un résultat totalement différent. Et ça, c'est juste l'exemple de deux enfants qui se disputent. Mais en fait, le monde, c'est deux enfants qui se disputent. Le monde est fait de toutes ces tensions et de tous ces malentendus. Et même les gens qui sont dans les gouvernements où les nations sont en guerre les unes contre les autres, ils ont des enfants intérieurs qui n'ont pas résolu quelque chose et qui font que justement ils voient aucun autre moyen que celui d'aller bombarder ou d'aller faire des génocides et tout ça. Donc moi qui suis face à ça, avec ma conscience profonde, quelle est mon attitude pour avoir de l'apaisement et justement répondre à ces besoins du monde? Chacun a vraiment sa réponse par rapport à ça. Je termine avec juste les deux derniers agrégats qui ne sont pas dans les Écritures. Vous êtes d'accord ou il faut qu'on s'arrête? Vous êtes d'accord? Donc pour moi, la cinquième rivière des choses qui passent de façon, enfin, qui sont très impermanentes, qui passent et qui sont très présentes dans la vie et sur lesquelles je peux aussi jouer un rôle d'apaisement, ce sont les objets. J'ai un peu commencé par ça tout à l'heure au début de mon partage, mais je vois que quand je me regarde moi-même et que je pense qui je suis, il y a de plus en plus, je reconnais de plus en plus qu'il y a, y a la tendance de penser que qui je suis, c'est aussi ce que j'ai, les choses que j'ai. Par exemple, mon compte d'email. C'est comme si c'était une partie de ma vie très importante. Vous aussi ou pas? Bon, c'est pas forcément le compte d'email, mais des choses comme ça, comme le compte en banque, le compte des emails, le téléphone portable où il y a tous les contacts, toutes les applications et tout ça. Ça devient une partie de notre vie qui influence beaucoup notre quotidien et notre corps et nos états mentaux et nos sensations. Donc c'est une autre rivière en fait qui est pas dans l'enveloppe de la peau là, mais qui est très très liée, et la nourriture aussi. Donc toutes ces choses qui sont à l'extérieur de moi, mais auxquelles je m'accroche en fait. Et qui souvent me font me définir comme « Ah ben moi je suis comme ça, moi je mange bio, moi je suis comme si j'écoute telle musique, j'écoute telle émission, moi je suis pas comme ça, j'utilise pas Facebook. » Donc c'est les objets du monde font que je pense être comme ça. Et c'est bien de m'asseoir de temps en temps au bord de cette rivière et de me dire est-ce que c'est vraiment, vraiment moi ça, ce compte avec les 50 emails qui arrivent chaque semaine, est-ce que c'est vraiment moi, est-ce que c'est profondément comme ça que j'ai envie de vivre, est-ce que c'est les informations qui m'arrivent ou que j'envoie, est-ce qu'elles sont vraiment si importantes? Et des fois elles le sont, des fois oui. Des fois, ce qu'il y a dans les emails, profondément, c'est vraiment quelque chose qui est dans mon cœur, que je chéris. Donc, encore une fois, pas de malentendu, je ne suis pas en train de dire il faut tout ce qu'on arrête d'avoir hein, les emails, non. Mais la relation avec ces objets-là. Et du coup, le septième agrégat, ça va être les relations interpersonnelles pour moi. C'est aussi une rivière, c'est aussi quelque chose qui constitue beaucoup comment je vis ma vie et qui je suis. Et évidemment, on a tous conscience de à quel point on est forgé par les personnes avec qui on évolue. En tant qu'enfant, on est forcément forgé par qui nos parents sont. Donc les relations interpersonnelles sont vraiment, vraiment très très importantes. C'est vraiment une partie de nous. Et c'est aussi un endroit, une place, un espace de notre vie sur lequel on peut avoir un rôle à jouer en termes de générer la paix. Parce que nous tous, je crois qu'on a envie d'avoir des relations interpersonnelles qui soient empreintes de paix, qui soient dans la sérénité, qu'il soit dans la bienveillance, qu'il soit dans la joie. On a besoin de ça. De s'asseoir et de regarder, tiens, ma relation à cette personne en ce moment, elle en est où au juste? Qu'est-ce que je cultive quand je parle avec lui, avec elle? C'est autour de quoi? Est-ce que je reste centrée en moi-même? Est-ce que je reste attentive? Est-ce que justement j'ai ce fameux énervement un peu à l'intérieur? Qu'est-ce que je cultive dans ma relation à une personne, dans ma relation à un groupe? Voilà. Bon, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre attention jusqu'à la fin. Et merci aussi d'avoir accepté que je parle de choses qui ne fassent pas partie du programme officiel, qui ne soient pas dans les écritures bouddhistes. Bon. pour moi, ça a vraiment à voir avec ma pratique, donc c'est pour ça que je me permets de parler de sixième et septième agrégat. Et nous allons prendre quelques respirations avec les sons de la cloche, 3 sons de la cloche pour terminer. Vous pouvez reprendre une position bien détendue, bien droite. Prendre conscience de tout ce qui se passe dans notre corps et dans nos différents agrégats. De la petite cloche, on peut décroiser les jambes et faire des massages.